Très bien. Donc, présentation de la radio, il y a Antoine, il y a Jeanne, il y a Camille, il y a Emma. Mais là, présentement, il y a Jeanne, il y a Emma, il y a Gwendoline aussi, qui va nous regarder dire n'importe quoi jusqu'à son interview prévue à 11h30. Tu peux, hein ? Oui, mais c'est super. Tu peux rester là, assister à ce lancement en trombe, comme ça. On ne passe pas de 0 à 100 km/h en moins d'une seconde, ça, c'est sûr. Alors, la radiosine de cette année, des interviews, des reportages, de la détente, des nouvelles bof, de la critique artistique, des définitions, mais aussi des jingles « Do it together » ou « Do it pas du tout ». Pas de pub, sauf pour les Amix, et une place pour l'imprévu et les dédicaces. Donc n'hésitez pas à laisser un message au 077 485 83 48. Attention, on ne prend pas les dédicaces musicales d'artistes qui ne sont pas vous-même pour des questions de droits d'auteurisme.